Short Days avec Je me mets des claques. Et au début du bloc, on avait eu une autre chanson de Short Days, c'est-à-dire Bleak City. C'est le camarade B qui vous accueille pour cette 698e émission de Skypunka en ce dimanche 4 février. Ok, oui. Et là, on commence l'émission aujourd'hui avec une demande spéciale de Audrey Cadaveric avec Anti Nowhere League et puis I Can't Stand Rock and Roll ainsi que So What, qui va s'enchaîner avec The Addict et puis Don't Exploit Me. Pièce que tu peux que j'ai sur leur un de leurs best of qui s'appelle Made in England, sorti à un moment donné sur SOS Record. Après ça, The Ramones avec Sheena is a Punk Rocker, leur version qu'ils ont enregistrée un moment donné à ABC, là. Ouais. Et puis ça se retrouve sur leur anthologie, cette version-là. Sur ce, allez, let's go avec Anti Nowhere League et puis I Can't Stand Rock and Roll et So What? Shoot! life is. Don't wanna get caught. Yeah, use my body. Yeah, use my mind. Yeah, use my chance. If I was that kind. Just leave me alone. I am my own man. I am myself. Can't take a companion. There is a small paper like yourself. Can't use my body. Can't use my mind. Can't use my talent. If I was that kind. Please don't use me. Please don't abuse me. Please just leave me alone. Just leave me alone. I am an old man. I am myself. Can't take the pain of strong people like yourself. Can't use my body. Can't use my mind. Can't use my talent if I was that kind. Please don't use me. Please don't abuse me. Please just leave me alone. Well, the kids are all hopped up and ready to go. They're ready to go now. They got their stuff and they're going to the discotheque. Ok, alors c'était The Ramones avec Sheena is a Punk Rocker. Et au début du bloc, on avait eu Empty Nowhere League avec I Can't Stand Rock and Roll ainsi que So What. Et après ça, on avait eu The Addicts avec Don't Exploit Me. Maintenant, on enchaîne avec Harrington Sand, très bonne formation oi américaine avec Put Your Boots Back On. Extrait de leur album compilation qui s'appelle The Single Collection, qui rassemble finalement pas mal toutes leurs 7 pouces. En tout cas, tout ce qu'ils ont fait jusqu'en 2013, parce que ça, ça a sorti en 2013, puis en tout cas, c'est un très bon vinyle qui contient toutes leurs 7 pouces. Fait que, yes sir! Et après ça, on va avoir Total Chaos avec Back to Our Roots. Pièce qui se retrouve sur Anthem from the Yellow Way, leur bon vieil album Street Funk. Après ça, US Bomb avec Spaghetti, parce que j'ai envie de manger du spaghetti. Puis cet extrait de l'album Garibaldi Guard. Sur ce, allez, let's go avec Harrington Sand et puis Put Your Boots Back On. Back to the good old days. Writing hot bills to pay. Yeah, lace them up. Time to go. Run away fast as you can go. Police rap, early age. I still remember the day. Thought we were dead, dead and gone. 40 years on, still going strong. Oh, put your boots back on. Put your boots back on. Left home, had to get a job. Skipper, she was looking fine. Time moves on and people change. And life gets in the way. We got power and the glory too. They still be the same to you. Grab a beer, gonna have my say. Some things they never change. Thought we were dead, dead and gone. 40 years on, still going strong. Put your boots back on. Put your boots back on. Thought we were dead, dead and gone. 40 years on, still going strong. Put your boots back on. Put your boots back on. Take me back to the good old days. Planting hell bills to pay. Yeah, lace them up. Time to go. Run away fast as you can go. Police rap, early age. I still remember the day. Thought we were dead, dead and gone. 40 years on, still going strong. Put your boots back on. Put your boots back on. Yeah, you thought we were dead, dead and gone. 40 years on, still going strong. Put your boots back on. Put your boots back on. Put your boots back on. Put your boots back on. Put your boots back on. Put your boots back on. I'm just going through a time of the sea. I'm going back to my roots again. And I'll never lose it, you know I'm always losing. Think about the fun of the good old days. Standing on the corner, park never borders. Listen to the pistols on a summer day. Going back to our roots and starting again. We're not gonna be a part of a crossover dream. Going back to our roots and starting again. Turn it up all over again. talk about the fun of the good old days. Standing on the corner, buying up a water, listening to the pieces on a summer day. Going back to the roots and starting again. And I'm gonna be a part of the cross of the train. Going back to the roots and starting again. It's a terrible. Alors, c'était US Bomb avec Spaghetti, et puis au début du bloc, on avait eu Harrington Sent avec Put Your Boots Back On, ainsi que Total Chaos avec Back to Our Roots. Maintenant, on s'en va en France avec la nouveauté de Guérilla Poubelle, album que j'avais pas reçu en 2017, parce qu'il est sorti à la fin 2017, là, l'album La Nausée de Guérilla Poubelle, qui est bien sûr sur Guérilla Assaut. Alors, on va entendre 5 chansons extraites de ce tout nouvel album de Guérilla Poubelle, album qui contient 13 chansons. Bon, les 5 sur 13 qu'on va entendre, c'est tout d'abord « L'amour est un chien de l'enfer », après ça « Ceux qui n'ont rien », « Les fils et les filles des sorcières que vous n'avez pas brûlées », puis après ça, les deux dernières, c'est-à-dire le pour et le contre, ainsi que mort trop jeune. Sur ce, let's go et partez à la découverte, si c'est pas encore fait, du nouvel album de Guérilla Poubelle qui s'appelle La Nausée. Tout ça à Skypunka. Let's go! Larmes, ça est revenu finalement. Tourné dans mon fer.

Ok, alors c'était le bloc spécial sur le nouvel album de Guérilla Poubelle qui s'appelle La Nausée. Donc, on va commencer avec la première chanson. Donc, on avait eu tout d'abord L'amour est un chien de l'enfer, Ceux qui n'ont rien. Après ça, on avait eu Les fils et les filles des sorcières que vous n'avez pas brûlées. Ainsi que Pour, voyons, Le pour et le contre. Et puis Mort trop jeune. Bon. C'était les 5 chansons du tout nouvel album de Guérilla Poubelle. Ben, en tout cas, les 5 que j'ai fait jouer, mais il y en a 13 tunes. Fait que, tu sais, comprenez que ça va jouer dans les autres émissions. Là, maintenant, on tombe en ska avec tout d'abord The One Night Band et puis la chanson Wait a Minute, extrait de leur album qui s'appelait Hit and Run. Ben, c'est sûr que les autres donnent plus dans le reggae, mais après ça, on tombe dans le ska avec The Slackers qui seront prochainement à Montréal. The Slackers, on va entendre Sooner or Later, pièce qui se retrouve sur leur album Better Late Than Never, sorti en 96. Ça fait un bout de quand même, mais c'est un bon album. Puis après ça, Gangster Politic, un ancien groupe qui était sur Stomp Record à la fin des années 90, là. La chanson Guns and Chicks, extrait de leur album éponyme. Ah oui, il était éponyme cet album. Ah oui, il était éponyme. Sorti en 98. Sur Stomp Record, mais aussi sur Moonska. Par contre, Moonska, ça n'existe plus, fait que c'est introuvable sur Stomp maintenant. Sur ce, allez, let's go avec One Night Band et puis Wait a Minute. Begin to feel alright. And you better watch. one can play. Pull up, shoot down, then drive away. Ok, alors c'était Gangster Politic avec Guns and Chicks, et puis au début du bloc, on a eu The One Night Band avec Wait a Minute, ainsi que The Slackers et la pièce Sooner or Later. Maintenant, on s'en va, en tout cas, on continue un peu en ska, puis après ça, en punk, ainsi qu'en oi. Donc, ça va débuter avec Johnny Too Bad and The Strikeout, et la version live de la pièce de Cider Song, pièce qui se retrouve sur le Ice Compilation 3, en tout cas pour la pièce live. Après ça, Turbo Negro et un cover de David Bowie, la chanson Suffragette City, qui se retrouve sur l'album Old Scars, ouais, qui était dans le fond une compilation de Disaster Records montée par le chanteur de US Bomb. Après ça, on va avoir No Choice avec la pièce Cream of the Crop, un vieux groupe punk britannique. Vous pouvez retrouver ça sur la compilation The Best of Riot City, parce que Riot City, dans le fond, c'était un vieux label punk qui existait à fin des années 70, début 80 en Angleterre. Il y avait pas mal de... Ça, ben, dans le fond, il y a eu pas mal de vieux groupes punk sur ça. Hein. Ouais. Dans le temps, ils n'étaient pas vieux, mais maintenant, ils sont vieux. En tout cas, bref, donc, No Choice avec Cream of the Crop. Et puis, ça, c'est... Step One Music, ça, qui a sorti ça, cette compilation-là, Riot City Record, là. Ouais. Donc, c'est sorti en quelle année, ça? Sorti en 2003 sur Step... ouais, c'est ça, 2003 sur Step One Music. Ouais. Dans les débuts de Skypunka, hein. Ouais, fait un bout de genre sur ça. En tout cas, très bonne compile. Puis après ça, Stomper 98 avec la chanson Padeas, ça, c'est une chanson contre les violeurs, là. Pièce qui se retrouve sur... dans la fois, ça se retrouve à deux places. Ouais. Elle se retrouve sur l'album qu'ils ont fait avec Templars, qui s'appelle The ISP Connection, dans le fond, qui est leur band, c'est les deux bands ensemble, là, Stomper, 98, et puis, Templars. Mais également aussi sur un split de Templars puis de Stomper 98, qui s'appelait We Stick Together. Ouais. Fait qu'en tout cas, allez, let's go, musique, et ça commence avec Johnny Too Bad and End the Strikeout et la pièce The Cider Song. Oh yeah. But I got to go. The conversation's scheduled, and there's a lady about the bar, and I do think that I'm in love. But I think that she's crying, an angel with tears in her eyes. She's hard to dream, she turns water to steam, and I'd be a fool to let her go. So I said, And besides, I must get home. So won't you stay for another round? He said, thank you kindly, but I must be on my way. My heart fell at her feet as she kissed me on the cheek, and as she got up, all I could say was, oh my lady, please don't go, please don't go away. We'll have a few beers to wash away your tears. Thanks. Suffrage City! Woo-hoo-ha! Suffrage City! die Erlösung sein, für den Pranger wieder ein. Der Tod wird die Erlösung sein, für den Pranger wieder ein. Der Tod wird die Erlösung sein. Quart für dieses Schwein. Schnell auf, Gerechtigkeit nimmt ihren Lauf. Knüpft den Bastard ganz schnell auf, Gerechtigkeit nimmt ihren Lauf. Knüpft den Bastard ganz schnell auf, Gerechtigkeit nimmt ihren Lauf. Knüpft den Bastard ganz schnell auf, Gerechtigkeit nimmt ihren Lauf. Quark für dieses Schwein. Ok, alors c'était Stomper 98 avec Paderas, et puis au début du bloc, on a eu Johnny Too Bad and the Strikeout, et puis la pièce de Sardou Song version live. Ça a été suivi de Turbo Negro avec Suffragette City, reprise de David Bowie, puis après ça, No Choice avec Cream of the Crop. Maintenant, on enchaîne avec un groupe qui, dans les années 80, était considéré comme trop punk pour être mods et trop mods pour être punk, c'est-à-dire The Cigarettes, avec deux de leurs pièces, Can't Sleep at Night ainsi que Run. Et puis après ça, vous allez avoir Blitz avec Nation on Fire, et ça sera suivi de Caméra Silène avec Sans Sourcils. Sur ce, allons-y, Sans Sourcils, avec Caméra Silène, mais non, avec The Cigarettes et puis Can't Sleep at Night. Ouais, il est temps que j'aille dormir. Go! Tell me to be. everybody's sick. You gotta keep running to reach the things that you never. I'm so proud of you. which beat down on the bars you won. There's no escape coming for you. The clock's gone down around the head. Two of our streets are running red. Hoist stop from Memphis and their feet. Six is burning in my soul. Alors, c'était Caméra Silène avec Sans Sourcil, et puis au début du bloc, on avait eu The Cigarettes avec Can't Sleep at Night ainsi que Run, et après ça, on avait enchaîné avec Blitz et la pièce Nation on Fire. Maintenant, on continue en ska et en reggae avec tout d'abord Quartier Libre, puis la chanson Jeunesse Marginalisée 2, qui se retrouve sur leur album Un peu Juste, que vous pouvez retrouver sur Run's Record. Après ça, on va avoir Up City Stompers et puis Trojan Knight, pièce qui se retrouve sur leur album Mass Appeal. Ensuite, on va avoir The Interrupter avec la chanson Phantom City, pièce dans laquelle on peut entendre Tim Armstrong chanter avec la gang de The Interrupter, et ça se retrouve sur l'album Say It Loud, paru sur L4 en 2016. Après ça, on va terminer ça avec en reggae là, avec The Valkyrian et puis la chanson Bring Back the Reggae, pièce qui se retrouve sur leur album qui s'appelle Beat of Our Streets, c'est bien ça, ouais, sorti en 2009. Allez, let's go. et allons-y avec Quartier Libre puis Jeunesse Marginalisée. Arrivé, tu voulais te démarquer. À tous tes cours, tu as séché avec tes potes du quartier. Wow, wow, wow, wow, jeunesse révoltée. Wow, wow, wow, jeunesse révoltée. La semaine terminée, les pas de gros entamés. Est enfourché et les condés venaient te serrer. Wow, wow, wow, wow, jeunesse révoltée. Wow, wow, wow, jeunesse déchirée. Ton frangin t'avait raconté les concerts des Berruriers. Et toi le samedi, ouais, tu sortais sur les balles pour te bastonner. La vieille, oi, tu écoutais sur le reggae. Ouais, tu dansais. Trois accords, tu connaissais. Et l'unité, tu l'as chanté. Wow, wow, wow, wow, jeunesse révoltée. Wow, wow, wow, wow, wow, jeunesse crève blessée. Wow, wow, party going down. Oh, that's right, this is a college town. And your fear or your life were that two-dimensional. Look the other way, and at the end of the line you'll still be standing. Pity. all get up and unite. And there's a few of us against a million, you know. Then a peace and love is the only way to go. The shit gon' blow like dynamite. No justice, no peace tonight. Now this town won't be the same. The whole world knows it by name. Phantom City, Phantom City. My stereo, good old reggae, and I just cannot get you out of my mind, and I just cannot get you out of my mind. Bring back the reggae, bring back the reggae, 'cause I'm lonely, lonely tonight. Bring back the reggae, bring back the reggae, bring back the reggae, 'cause I'm lonely, lonely tonight. Bring back the reggae. Oh yeah. I was thinking maybe, baby, you recall how things used to be. We were young and I must tell you, when we met I lost my heart in one night. Do you remember? Yes, I do. When reggae was a new thing in town, I do remember the time we used to dance to reggae all night. And I just cannot get you out of my mind, and I just cannot get you out of my mind. Bring back the reggae, bring back the reggae, 'cause I'm lonely, lonely tonight. Bring back the reggae, bring back the reggae, bring back the reggae, 'cause I'm lonely, lonely tonight. Oh yeah. They play reggae in the club we used to go every Friday, and I will be there. And what if you will come to meet me? It would be great. Oh yeah. We want reggae. Listen to this. Now can you hear what people say? We want reggae. Come and dance the reggae with me all through the night. And I just cannot get you out of my mind. And I just cannot get you out of my mind. Bring back the reggae. I'm lonely, lonely tonight. Bring back the reggae, bring back the reggae, bring back the reggae, 'cause I'm lonely, lonely tonight. Bring back the reggae. Oh yeah. What do you fear now? Come on and let me make it clear. Trust me now. We wanna talk and so bring on. We don't have to do nothing more. Bring back the only reggae. reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae through the night. We want reggae, that's what we need now. I need to bring you back to me now. We want reggae, it's like they say now. In other words, bring back the reggae. Ok, alors c'était The Valkyrian avec Bring Back the Reggae, et puis au début du bloc, on avait eu Quartier Libre avec Jeunesse Marginalisée 2, ça a été suivi de Up City Stompers avec Trojan Knight, et puis après ça, on avait eu The Interrupter avec la chanson Phantom City. Maintenant, on se lèche aujourd'hui tout d'abord avec une nouveauté des Prodders, là, c'est leur vidéo, les vinyles, là, ils vont arriver un moment donné dans le coin, mais en tout cas, on se laisse avec leur vidéo, donc avec ton version promo, on pourrait dire. Donc, Protect and Serve, très bonne vidéo. Allez voir ça sur YouTube, là, c'est le fun, là, pour ceux qui étaient à leur show, là, quand ils l'ont tourné au trackside. En tout cas, c'est le fun, là. Fait que, très bonne vidéo, puis une très bonne place aussi pour les bands qui veulent tourner là, des vidéos, là, le trackside. Sérieux, c'est petit, le son est parfait, puis ouais, une bonne place pour faire des vidéos, en tout cas. Ouais. Voir des shows aussi, c'est sûr, là. Donc. Et puis Protect and Serve the Prodders, bien on va avoir Road Pride avec Road Sinton qui est leur nouveau vidéo là, My Generation, pièce qui est extrait bien sûr de leur plus récent album là, qui s'appelle Take It As It Come. Et puis après ça, bien The Last Resort avec Better Life, pièce qui vient clore leur avant-dernier album, ouais, c'est ça, qui s'appelait You'll Never Take Us, qui est sorti en 2009 lui. Puis n'oubliez pas que ben, The Last Resort seront en spectacle là, à Montréal dans un mois et demi là, pour le HiFest, fait que c'est à pas manquer. Sur ce, ben, en tout cas, à la semaine prochaine, tout le monde, pour une autre émission de Skypunka. Et d'ici là, ben, continuez d'écouter du bon white, du bon punk, du bon reggae, puis c'est ça, hein. Bye! Yeah. survive our fight in the storm. Now's the time to make a stand and show that they were wrong. Let it show them that the knowledge moving on. We are here, the catalyst reborn. So now we don't want to invent a new one.